le mariage. Ceci est une histoire vraie de Bahá'u'lláh, fondateur de la foi bahaï. Lui-même raconte cette histoire de son enfance. Ce fut à l'occasion de sa participation à la célébration du mariage d'un de ses frères à Téhéran. Comme il était de coutume en ce temps-là, une grande fête fut organisée qui dura 7 jours et 7 nuits. Le dernier jour, pour le divertissement des invités, un spectacle de marionnettes fut organisé. Bahá'u'lláh était assis dans une salle à l'étage et avait ainsi une vue sur la cour où une tente avait été installée pour le spectacle. Il nous raconte que la scène commença avec l'entrée de quelques petites figurines de forme humaine annonçant que le roi s'approchait. Plusieurs autres figurines apparurent alors. Certaines balayaient et d'autres arrosaient pour préparer l'arrivée du roi. Un peu plus tard, le crieur de la ville entra en scène et dit aux gens de se rassembler pour une audience avec le roi. Plusieurs personnages apparurent alors et chacun prit la place qui lui revenait. Finalement, le roi fit une apparition grandiose. Portant une couronne sur sa tête, il marchait doucement et majestueusement et monta sur son trône. Des coups de feu furent tirés, des bruits de trompettes retentirent et la tente fut remplie de fumée. Quand la fumée se dissipa, le roi, toujours assis sur son trône, était entouré de ministres, de princes et d'officiers d'État, tous debout devant lui attendant ses ordres. À ce moment-là, un voleur fut amené devant le roi qui ordonna de le décapiter. Sans plus attendre, le bourreau exécuta ses instructions. Après l'exécution, le roi conversa avec ses ministres et ses officiers. Soudain, la nouvelle arriva qu'une rébellion avait éclaté à l'une des frontières. Des troupes furent immédiatement envoyées pour anéantir les rebelles. Quelques minutes plus tard, le bruit d'un coup de canon retentit au loin et l'on annonça que les troupes du roi menaient une bataille contre les rebelles. Ainsi continua la pièce. Bahá'u'lláh était grandement intrigué par la nature de la représentation. Après qu'elle se soit achevée et que le rideau soit tombé, il vit un homme sortir de l'arrière de la tente, portant une boîte sous le bras. Bahá'u'lláh lui demanda « Que contient cette boîte ? Et quelle était la nature de ce spectacle ?»« Tous ces somptueux décors, répondit-il, le roi, les princes et les ministres, leur pompe et leur gloire, leur puissance et leur pouvoir, tout ce que vous avez vu, tout cela est maintenant contenu à l'intérieur de cette boîte. » Cette observation fit une remarquable impression sur Bahá'u'lláh qui déclara « À partir de ce jour-là, tous les artifices du monde ont ressemblé à ce spectacle aux yeux de ce jeune. Ils ne possédèrent ni ne posséderont jamais aucune importance, même pas de la taille d'un grain de moutarde. Bientôt, ces ornements externes, ces trésors amassés, ces vanités terrestres, ces bataillons rassemblés, ces belles délicatesses, ces âmes fières et présomptueuses, tous passeront dans les limites du tombeau comme dans la boîte. Aux yeux de ceux qui sont doués de vision, tous ces conflits, ces discussions et cette gloire vaine ont ressemblé et ressembleront toujours à un jeu d'enfant. »